Boudin. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, pour le pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez. 89.5 sur la bande FM, Saint-Etienne et périphérie. Et au-delà de nos frontières stéphanoises, ligériennes, auvergne-rhône-alpine et bien plus de par le monde, les www.radiodio.org. Bienvenue dans ce programme des mots, des sons sensibles. Premier numéro de cette année 2025, en ce lundi 6 janvier. Retour du direct. Dans ce programme d'infos actu locale, à retrouver, je vous le rappelle, en direct entre 12 et 13 heures les lundis, mardis, jeudi, rediffusé à 19 heures et le lendemain en matinale dès 8 heures. L'actualité politique, sociale et culturelle toujours au programme pour cette saison 2024-2025. Ce sera l'occasion aujourd'hui à nouveau de faire le tour de quelques points d'actualité. Sorte de agenda à vous proposer, des rendez-vous à venir et puis un sujet. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Sina Zouhiri, qui est membre de l'association Comité Mahorais de Saint-Étienne, pour avoir quelques nouvelles de Mayotte après presque un petit mois de cette tempête qui a frappé l'archipel français et l'a complètement dévasté, alors que les opérations de solidarité sont toujours nécessaires et d'actualité, précisément. Ce sera l'essentiel sujet de ce programme aujourd'hui. Des mots, des sons sensibles qui profitent aussi bien sûr de ce premier numéro de cette année pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. En effet, plein de mots, plein de sons, plein de radios et peut-être une proposition musicale d'emblée qui va nous aider à nous et vous accompagner pour entamer cette nouvelle année, puisque c'est un album plein de douceur selon l'intention de son auteur. C'est bien sûr notre partenariat Ferrarock qui reprend aussi du service cette semaine et en ce début d'année 2025, notre Fédération Nationale des Radios Associatives Rock aux Musiques Actuelles de France, avec double artiste album partenaire chaque semaine. Et cela s'ouvre cette année avec le nouvel album de Thiago Caetano, un album plein de douceur en effet, comme il l'entend, en tout cas c'était son intention de réaliser un opus plein de douceur, comme un pied de nez à la cruauté et à la violence du monde. On en a grandement besoin. Thiago Caetano a sorti cet album Echo da Bahia le 15 novembre dernier. On fait un petit retour en 2024 pour néanmoins cette actualité et partenariat Ferrarock cette semaine. L'album est sorti chez Yotonka Records. L'artiste Thiago Caetano, comme son nom l'indique, est originaire, ou en tout cas a des origines du Brésil par sa maman et au Portugal par son papa. Mais il est né à Rennes. Rennes, c'est sa ville. Le Brésil, c'est le sang véritablement. Et bien entendu, il rend hommage au travers de sa musique à la musique populaire brésilienne. Tout cela emprunt de folk et de sonorités très contemporaines, enregistrées en Bretagne, sa région donc où il réside et où il est installé. C'est précisément dans la maison de ses grands-parents, à côté de Saint-Malo, qu'il a créé cet album Echo da Bahia en quelques semaines, à l'envolée. Mais on voyage comme ça entre côte bretonne et côte brésilienne, avec plein de références et plein d'ambiances, surtout sonores, qui nous viennent du Brésil et de Rio de Janeiro notamment, où il voyage beaucoup. Alors comme je le disais, c'est un album qu'il a souhaité paisible, en tout cas un moyen selon lui le plus paisible de se recueillir sur la dureté du monde ou les ruptures amoureuses, toujours avec optimisme. Je vous propose de découvrir un de ces 9 titres, c'est la deuxième plage que j'ai sélectionnée, titré So Quiero Vivere, tout simplement, qui signifie eh bien, je veux vivre simplement. Et c'est un des titres qui est peut-être la plus trad, je dirais, en tout cas des rythmiques de samba assez classiques au travers de ce titre-là. C'est la découverte et le partenariat Ferrarock cette semaine, So Quiero Vivere, de l'album Echo da Bahia de Thiago Caetano. C'est son tout premier album. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. On prend le large véritablement avec Thiago Caetano que je viens de vous proposer à l'instant, So Quiero Vivere, deuxième plage de cet album qui compte 9 titres, l'album Echo da Bahia qui est son premier véritable album qui est sorti le 15 novembre dernier chez Yotanka Records. C'est une découverte et un partenariat Ferrarock cette semaine, je le disais, notre fédération qui reprend du service avec bien sûr album en découverte, c'est-à-dire en présentation, diffusion, interview et jeu concours, c'est-à-dire que cet album est tout simplement à gagner. N'hésitez pas à nous contacter au bout du clic, un petit mail à redac@radiodio.org. L'affaire Arok, précisément, eh bien, reprend du service en cette deuxième semaine de cette année 2025. Et ce sera le cas de cette semaine donc, pour retrouver notre programme mutualisé et collectif Dig Dig Diggers, qui fait justement et donne une belle place, en tout cas fait la part belle à ses découvertes et artistes albums partenaires. Vous retrouverez une interview de Thiago Caetano réalisée par Radioactive, la radio précisément de Bretagne et de Saint-Brieuc, dont est originaire Thiago Caetano. Et puis vous retrouverez encore une interview de Clavicule, c'est l'autre album partenaire Incoming Blaze cette semaine avec Canal B, radio rennaise également, décidément très bretonne cette émission de cette semaine. Et vous retrouverez encore un petit module carte blanche réalisé là par Radio RCV autour de Guerra Bertolone. Voilà, Dig Dig Digger, c'est à retrouver bien sûr chaque vendredi sur notre antenne 12h-19h et lundi en matinale dès 8h. Et vous avez encore toutes les infos de l'affaire Arok sur la toile et le site dédié www.ferrarock.org. Et sur 895 de Dio, dans ses mots et sons sensibles, je le disais, le sujet du jour, c'est une interview auprès de l'association Comité Mahorais de Saint-Étienne. Et nous en retrouvons une de ses membres, Sina Zouairi, qui est avec nous au bout du fil. Sina, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue sur le 895 de Dio. J'espère que la ligne est bonne et que vous m'entendez bien. Je vous entends bien, merci beaucoup. Bon, c'est parfait. Merci à vous de prendre un peu de temps pour être avec nous. Alors, au bout du fil, parce que je sais que vous êtes au bureau, et merci de votre disponibilité. En tout cas, on voulait entamer aussi cette année 2025 avec votre association qui a lancé plusieurs appels à dons en urgence, je dirais, suite au cyclone Chido qui a frappé l'archipel français d'outre-mer, véritablement dévasté. C'était il y a presque un mois, c'était le 14 décembre dernier, si je ne me trompe. Tout à fait. Sina, une tempête, un cyclone qui d'ailleurs a frappé de façon assez inédite, hein, à la fois de par sa trajectoire, je dirais, et par sa force, par sa puissance. C'est quelque chose d'assez inédit sur Mayotte. Oui, c'était pas arrivé depuis un certain temps. Les alertes cyclones, on est habitué, mais personne ne s'attendait à ce que ça soit aussi violent. Donc, la population a été très surprise et nous, restés en métropole aussi, avons été très surpris par la violence de ce cyclone. Oui. Violence en effet, et qui a fait énormément de dégâts matériels et humains, bien entendu. Déjà, j'aimerais aussi vous poser cette question. Comment débute aussi cette année après quelques semaines là déjà de suite à bien au passage bien sûr et aux dégâts qu'a bien sûr occasionné ce cyclone. Alors cette année aurait pu débuter autrement. Mais malheureusement, les conditions sont ce qu'elles sont. On a la chance maintenant d'avoir un peu plus nos familles sur place, donc d'avoir des échanges qui tendent à se rétablir comme avant. La situation sur place ne s'est pas améliorée pour le moment. On a toujours des zones qui sont encore coupées du monde où l'électricité n'est pas encore revenue. Mais moi, j'ai la chance d'avoir ma famille régulièrement et d'avoir des personnes qui me rassurent un peu face à tout ce qui se passe. La situation sur place, pour le moment, du coup, comme je vous disais, n'est pas rétablie, mais ils arrivent un peu plus à se déplacer. Certains ont déjà repris le chemin du travail, donc normalement, on espère que ça devrait aller. Alors précisément, vous êtes en contact avec votre famille, qui me semble-t-il est dans la seule ville de Lille où le réseau fonctionnait encore, c'est Manuzu. Alors déjà, est-ce que vos proches se portent déjà plutôt bien, je dirais ? Alors nous, on est un peu aux quatre coins de Lille. Moi, la personne avec qui je suis le plus en contact, c'est ma sœur qui est à Saada et qui se déplace qui a pu se déplacer déjà dès le départ et qui se déplace encore pour nous donner des nouvelles. Mais par exemple, dans le nord, où il y a mes autres sœurs, non, il n'y a pas, la connexion n'est pas rétablie à 100%. Donc je ne les ai pas aussi régulièrement que je peux avoir mon autre sœur. C'est compliqué pour le moment, c'est pas encore remis, donc voilà. Oui. Alors, l'association Comité Mahorais de Saint-Étienne que vous représentez est une association qui n'est pas nouvelle, finalement, sur Saint-Étienne, puisqu'elle existe depuis 2008, me semble-t-il, avec pour intention, déjà, je dirais, une forme de solidarité, mais une aide qui était plutôt inattendue sous cette, je dirais, cette forme-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout de même l'intention et raison d'être de l'association Comité Mahorais de Saint-Étienne ? Alors, l'objectif de cette association, c'est déjà de réunir l'ensemble des Mahorais présents sur Saint-Étienne. Il faut se dire que moi, j'ai rejoint l'association très récemment. J'ai eu l'occasion de les connaître il n'y a pas si longtemps que ça, juste un peu avant le cyclone, c'était en octobre. Donc, au niveau de leur historique, ce qu'ils proposent, je sais qu'ils proposent certaines formations et l'apprentissage du coup de la culture mahoraise à nos enfants, parce que mes petits ils font partie de cet asso aussi. Et moi, je les ai vraiment rejoints là. Je suis membre actif depuis le 14 décembre, on va dire ça, parce que il y a eu justement cette catastrophe naturelle, et on s'est tous questionnés en fait dans nos coins sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et donc l'association nous a suivis, notre ami et moi, pour les collectes et les dons qu'on a mis en place, et ils ont su répondre présent et on les en remercie. Et on tient aussi également à remercier l'ensemble des personnes qui sont mobilisées pour que les collectes puissent du coup se faire et que l'acheminement jusqu'à Mayotte puisse avoir lieu. Oui, alors justement, vous êtes principalement mobilisé aujourd'hui, pour l'association en tout cas, sur l'organisation en effet des dons, des collectes et des envois possibles, des départs par conteneur. Il y a eu déjà des actions menées en fin d'année dernière, des actions se sont organisées, parfois de façon un petit peu anarchique et désordonnée, je dirais, en tout cas. Aujourd'hui, comment les choses sont peut-être recentrées, réorganisées pour tenter d'aider en effet au mieux et la façon la plus, je dirais, efficace possible? Alors, anarchique et désordonnée, moi j'ai trouvé que pour des personnes qui n'étaient pas du tout habituées et qui ne souhaitent pas prendre cette habitude de faire face à une telle situation, on a su se concerter tout de suite. Donc c'est arrivé samedi, nous mardi, on a posé pour certains d'entre nous des congés et on s'est concerté, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Chacun a eu une mission, on a su mettre en place des actions qui ont pris tout de suite. On a pu être entendu par les centres commerciaux, donc qui nous ont accueillis dès samedi suivant pour faire des récoltes. On a trouvé tout de suite des points de collecte donc dans nos entreprises à chacun, donc pour pouvoir collecter le maximum de denrées. Donc pour quelque chose qui n'était pas prévu, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Ce à quoi on s'était pas préparé, à quoi par contre on doit faire face maintenant, c'est la mobilisation de tout le monde en fait, finalement. Donc la générosité de tous, parce que les personnes ont su vraiment répondre à notre demande. Donc nous, on a pu faire partir 4,5 tonnes de nourriture, juste nourriture et denrées de première nécessité sur le premier conteneur, et on a pu réunir plus de 12 palettes d'eau de 4 à 5 étages à chaque fois, ce qui n'est pas rien. Là, on se retrouve face à une situation qui nous dépasse, parce que c'est pas nos cœurs de métier. On est tous bénévoles dans l'association, parce qu'aujourd'hui les collectes continuent, les personnes continuent de se mobiliser. Notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de lieu de stockage. On n'a pas non plus les fonds nécessaires pour l'envoi des seconds conteneurs, parce que le premier conteneur a pu être acheminé grâce au transitaire qui a mis un conteneur à notre disposition à titre gracieux. Donc il a fait ça assez frais. Et aujourd'hui, notre problématique, c'est de savoir comment on va pouvoir s'organiser pour faire parvenir les seconds conteneurs sur Mayotte, sachant que le temps d'acheminement peut être plus ou moins long. Donc on est ouvert à des propositions. On essaie de chercher et de trouver des solutions, que ce soit par fret aérien ou par voie maritime. On est preneur de tout ce qui peut nous être proposé. On essaye de s'organiser au mieux, même si la situation est assez compliquée à gérer, étant donné que on a tous un peu repris le boulot. Mais on n'oublie pas, on a nos objectifs, on essaie d'avancer et de faire en sorte de répondre aux besoins des personnes qui sont sur place. Oui, bien sûr, je parlais désordonné, c'était pas seulement sur l'action stéphanoise, hein, je parlais au niveau un peu général, c'est les échos qu'on avait un petit peu de collecte de produits qui n'étaient pas forcément d'urgence ou de première nécessité. Je prends l'exemple, par exemple, de farine ou de pâtes qui étaient envoyées alors que le gros problème était notamment la question de l'eau. Et sans eau, il était aussi compliqué parfois de pouvoir utiliser ces produits qui étaient parfois donnés et lancés comme ça de façon assez diverse, quoi. Oui. Donc voilà, c'était surtout aussi sur ce point-là et donc de faire attention aussi dans les produits à la fois vestimentaires, alimentaires, en tout cas qui peuvent être appelés en termes de dons, quoi. Tout à fait. Donc nous, sur notre affiche, on avait bien identifié et on a bien demandé à ce que ça soit vraiment des produits qui puissent être utilisés dans l'immédiat, donc des conserves, du thon, de la sardine et autres denrées qui pourraient un peu plus durer dans le temps, parce qu'effectivement, faire partir de la farine et des pâtes alors qu'il n'y avait pas d'électricité, la demande n'était pas assez urgente pour ça. Nous, les premiers temps, on a pu avoir quelqu'un qui était sur place et la demande a été l'eau, et c'est vraiment sur quoi nous nous sommes concentrés. Donc le conteneur était aussi est parti avec des palettes d'eau et qu'on espère arrivera assez rapidement. Oui, et puis il y a eu d'autres actions de solidarité, hein, au-delà des dons via plusieurs associations. Hein. Je pense à l'association ligérienne des pompiers humanitaires français, la fondation. On a été en contact tout de suite. Ouais. Et oui, vous avez été en contact direct. Mmh. Il y a eu la Fondation de France aussi, des collectivités. Je pense à certaines communes de la métropole, le département même de la Loire, qui ont aussi voté des subventions, exceptionnelles. Et puis d'autres actions qui sont menées encore actuellement. Mais je me disais, peut-être, quel est aujourd'hui, en tout cas, l'état des lieux aussi, avec ce qui a été annoncé, notamment par le gouvernement, le plan Mayotte debout. Quelles sont aussi vos impressions quant à ce qui est envisagé en termes d'action et réaction possible? Alors là, je vais parler en mon nom propre et non plus au nom de l'association. Je trouve que c'est lent. Je trouve que les choses ne vont pas assez vite, mais je pense que on est encore sous le choc de ce qui s'est passé et on aimerait que les choses se fassent plus rapidement. On est aussi conscient que, je suis consciente qu'il faut un certain temps pour la mise en place de tout ce qui a été décidé par le gouvernement. Après, quand on a les personnes sur place et qu'on sent encore que il y a encore des personnes qui se sentent abandonnées et qu'ils ont l'impression que les choses n'avancent pas, pour moi c'est assez paradoxal, hein. Il y a ce qui est comme toujours, il y a ce qui est décidé au-dessus et il faut le temps que ça redescende et que les choses puissent être remises en place. Nous, on n'a pas vocation du tout à remplacer ou à se substituer à ce qui est mis en place. Nous, ce qu'on veut, c'est de se sentir utile, que se dire que on n'est pas resté inactif en attendant que les choses passent. On n'a pas attendu que le gouvernement dise il faut faire ça, il faut faire ci. On essaye vraiment de contribuer à notre niveau, ce qui est possible pour nous. Si demain il nous était demandé de lancer des collectes, par exemple pour le matériel scolaire, je sais que le gouvernement a fait un appel au niveau des collectivités et on pourrait aussi le faire, parce qu'on ne peut pas juste être chez nous et se dire il s'est passé ça à Mayotte. On attend de voir quelle va être la réponse du gouvernement face à cette catastrophe. On a besoin de se sentir acteur et de sentir qu'on contribue à la reconstruction de l'île. Et c'est ce qui fait que l'ensemble des associations se sont regroupées pour pouvoir apporter une réponse tout de suite au peuple, aux réponses qui étaient demandées. Oui, oui, oui, il y a ce qui se passe ici, il y a ce qui se passe là-bas, mais vous êtes aussi en contact avec votre famille, précisément là-bas sur l'île, et quelles sont aussi justement leur façon d'observer l'organisation et ce qui a pu se mettre en place. On sait que François Bayrou s'est déplacé dans l'archipel, il a annoncé ce plan Mayotte debout et que ce projet de loi d'urgence devrait être présenté en Conseil des ministres cette semaine, mais c'est peut-être aussi là-bas comment être observé et apprécié justement aussi peut-être la situation et les moyens mis en place. Ben, pour le moment, la personne avec qui moi, ma soeur, donc avec qui je suis en contact, qui me paye des états des lieux assez régulièrement, ben, c'est lent, mais il faut le temps que ça se mette en place. Il y a cette urgence de vouloir agir tout de suite parce que eux, leur vie a été dévastée du jour au lendemain. On a envie que la réponse, elle soit apportée du jour au lendemain. Il est inconcevable aujourd'hui de se dire que dans les bidonvilles, il y a des personnes qui ont recommencé à reconstruire. Et ce week-end, il y a eu encore de très fortes pluies qui ont fait que les bidonvilles rechutent. En fait, il faudrait qu'il y ait une action tout de suite. Mais on entend et on comprend qu'il faut un temps au gouvernement et on va leur laisser. Et on espère fortement que les réponses qui seront apportées seront à la hauteur de ce qui s'est passé et que personne ne sera délaissé dans cette situation. Oui. Est-ce que, par exemple, sur au moins les points essentiels que sont l'eau et l'électricité, je dirais la situation s'est quelque peu améliorée. En tout cas, des moyens ont véritablement été... Les moyens ont été mis en place, effectivement, mais il y a encore des villages aujourd'hui. Moi, si je vous parle que de mon cas personnel, je vais vous dire ben, j'ai la chance d'avoir ma soeur tous les jours au téléphone. Elle est retournée au travail. L'électricité a été remise chez elle, mais on n'est pas dans ça, on n'est pas dans l'égoïsme. On pense à l'ensemble des Maorés et aujourd'hui, la réalité est que certains Maorés n'ont pas d'électricité, que certaines personnes sont encore au niveau de ce qui était il y a deux semaines en arrière. Et ça, c'est pas concevable. On a besoin que tout le monde puisse être logé à la même enseigne, que tout le monde puisse être traité en quelque sorte de la même manière. Encore une fois, on attend que le temps, il faut que le temps que les choses se mettent en place, il n'y a pas de problème, mais certaines familles continuent aujourd'hui de ne pas avoir d'eau, de ne pas avoir d'électricité, et donc il y a une inégalité de part et d'autre de l'île, et ça, c'est une réalité. Oui, et c'est une réalité que peut-être cette tragédie a révélée hein, finalement aussi, cette question Révélée, accentuée je dirais, ouais. Parce que cette tragédie a remis tout le monde un peu sur le même piédestal. La situation de Mayotte n'est pas nouvelle. La personne qui a pris la parole face au président, on a vu un peu les images défiler. Ce qu'elle a voulu dire, je pense, c'est que le cyclone vient juste mettre un point final à la situation qui était déjà catastrophique à Mayotte, en fait. La situation Mayotte a été délaissée pendant de nombreuses années. On espère qu'on saura tirer quelque chose de bon de part et d'autre, que ce soit le peuple ou le gouvernement, de cette situation, pour pas que ce soit qu'une fatalité et que tout le monde puisse se relever et que le gouvernement s'intéresse un peu plus au peuple maoré en apportant des solutions et en permettant à tout le monde de pouvoir s'épanouir et survivre, quoi. Oui, c'est ce que l'on peut souhaiter en effet. En tout cas, solution de votre côté, ce sont ces appels à dons que vous poursuivez. Alors, il me semble qu'il y a trois points de collecte ou de dépôt aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous donner un petit peu peut-être les informations ou renseignements pratiques, justement? En ce qui concerne nos collectes, on a un peu levé le pied parce qu'on, comme je vous l'ai expliqué, on se retrouve avec beaucoup de denrées. Là, notre axe de travail, c'est plutôt au niveau de la logistique, savoir où est-ce qu'on peut stocker tout ça. Donc, on essaie de se rapprocher un peu des communes et des diverses entreprises pour savoir si on pourrait nous mettre à disposition des espaces de stockage, le temps de faire partir en fait donc les denrées, parce que nous l'objectif n'était pas de collecter pour collecter, l'objectif c'est pas d'avoir des denrées à ne pas savoir quoi en faire. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça puisse arriver jusqu'à Mayotte. Donc on essaye de faire les choses un peu dans l'ordre maintenant qu'on peut le faire. Donc là, on essaie vraiment d'avoir des espaces de stockage et surtout de lancer, même si on est très reconnaissant envers toutes les communes qui sont mobilisées, que ce soit le département, les préfectures ou autres qui sont qui ont débloqué des fonds pour Mayotte, nous, on se retrouve avec des dons qu'on doit pouvoir acheminer. Donc, on relance, nous aussi, les préfectures communes et un peu les officielles pour pouvoir avoir des subventions, des dons et acheminer les conteneurs qui, aujourd'hui, ne peuvent pas partir sans dons. D'accord, vos besoins sont essentiellement sur ces points aujourd'hui, quoi. Tout à fait, oui. D'accord, avec néanmoins toujours possible de vous contacter oui. pour éventuels besoins. De quelle manière ? Je sais que vous êtes situé 8 rue du Mont Mouchet à Saint-Étienne. Tout à fait. Mais peut-être d'autres supports moyens possibles de vous contacter ? Sur nos affiches, il y a 4 numéros de téléphone, donc, parce qu'on travaille tous. Donc là, on a tout un peu repris. Pendant la catastrophe, on s'est tous arrêtés pour nous consacrer un peu à l'événement. Mais donc, il y a des numéros de téléphone qui sont sur les affiches que je pourrais vous transmettre. Et les personnes n'hésitent pas à nous contacter, nous envoyer des SMS pour savoir comment elles peuvent nous aider. Et il n'y a pas de problème. On reste disponible dans la mesure du possible pour répondre... Pour répondre du coup aux diverses questions. La semaine dernière, on a le président du comité qui a été annoncé à Chazelles-sur-Lyon, à la sécurité sociale pour récupérer des dons. On n'a pas de problème avec ça, mais le souci, c'est que voilà, on les stocke dans nos appartements. C'est pas l'objectif. Vraiment, c'est pas ça que nous souhaitons et c'est pas du tout de cette manière qu'on souhaite faire évoluer cette action. Oui. Oui, oui, pour les dons, on a bien saisi qu'en effet, il y avait des points possibles. L'espace Boris Vian a contribué, Montréno, la Maison de l'Emploi. Mais c'est aujourd'hui la logistique et la façon de pouvoir acheminer, comme vous le disiez, ce matériel et ces produits de première nécessité dans les conditions les plus correctes possibles, justement. Chazelles-sur-Lyon, en effet, la brasserie La Farlaudoise qui avait lancé un appel à collecte et à dons jusqu'au 15 janvier dans les Monts du Lyonnais, notamment. On a compris vos besoins, mais je peux communiquer du coup vos numéros de téléphone peut-être si cela... Oui, oui. Alors, vous pouvez contacter Zina Zouairi, ici donc au téléphone avec nous, pour l'association Comité Mahorais de Saint-Étienne. C'est le 06 95 91 69 04. 06 95 91 69 04. Et puis je communique peut-être un autre contact possible, c'est le 07 66 56 78 36. 07 66 56 78 36. Merci beaucoup, Zina Zouairi. Merci à vous. Et puis on vous souhaite force et courage pour poursuivre. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci à vous. On sait aussi que les radios associatives mahoraises ont lourdement été impactées par la catastrophe et sont pour l'instant à l'arrêt. On sait que ce sont aussi des accès à l'information cruciales en période de crise. Et on sait aussi que nos réseaux, et notamment Fédération, travaillent aussi, après état des lieux, des besoins des radios sur place, à apporter un soutien pour les accompagner dans leur reprise d'activité, ce que l'on fera au mieux dès que nous aurons davantage d'informations. En tout cas, grand merci à vous. Et bonne continuation. Merci. En vous remerciant encore. Au revoir. Merci. Au revoir. Tahia Palestine. Yeah, I'm gonna go to the top. Des mots, des sons sensibles sur le 895 de Dieu. Alors, on n'y voyait aucune transition, mais cet artiste-là, eh bien, se produit sous ce nom-là, Cyclone. C'est un extrait de concert qui a été donné à Paris il y a un an de cela, pour une action de solidarité autre. Il s'agissait d'aide médicale et d'organisation d'aide et soutien à la Palestine. La Palestine nous rassemble. Cyclone, qui est attendu à Saint-Étienne en concert. C'était l'objet aussi de la diffusion de cette proposition-là, en effet, puisque l'artiste sera invité sur la salle du Fil ce 11 janvier, invité par la Charbonnerie Production, qui s'empare du Fil et du club cette fin de semaine pour un événement intitulé Bodies in the Bass. Cet artiste-là nous rappelle, la Charbonnerie Production a ébranlé la scène aux nuits sonores en 2023. Elle a été découverte dans l'émission Trax et a proposé d'inviter donc cet artiste-là pour cet événement de ce 11 janvier qui va mêler à la fois rap mais aussi danse avec la Charbonnier Production, le collectif qui partage finalement l'organisation et programmation de cette soirée avec la compagnie de danse B21, Ballet 21, qui a été fondée, cofondée par les chorégraphes que l'on connaît bien ici sur cette antenne, Manon Contrino et Toufik Mahadi, compagnie ligérienne et stéphanoise donc. Et il y aura donc danse et son et musique pour cet événement avec donc Cyclone, cette musicienne artiste parisienne, des artistes locaux également via les MC SAT, Madame Berthe ou RCZ si je prononce correctement, et puis donc des performances dansées et autres DJ notamment du collectif Maison Charbonnerie Production. C'est ce 11 janvier, ça le file à partir de 20h. Y2K. La Charbonnerie Production qui propose également une émission sur l'antenne du 895 de Dio. C'est l'occasion aussi de faire un petit point actualité maison et diophonique. La Charbonnerie Production, c'est une émission basse musique chaque vendredi 17h. C'est Charbonne Air, bien entendu, et qui aura l'occasion, peut-être bien à nouveau, cette fin de semaine, ce vendredi, veille de cet événement, de vous en rappeler l'essentiel dans son organisation et sa programmation. Je parlais de Cyclone et ce concert de solidarité à la Palestine, simplement aussi vous annoncer que cela fera l'objet, en termes de sujet, d'un mag prochain, avec différentes associations ou organisations locales qui œuvrent aussi là, en solidarité avec la Palestine, qui seront invitées sur le 895 Dio très prochainement, à l'occasion de multiples événements qui vont se dérouler prochainement, pas plus tard que ce 9 janvier, pour exemple, avec une conférence à l'école d'architecture de Saint-Étienne, 1 rue Buisson, avec une conférence de Léopold Lambert qui abordera comment l'architecture, loin d'être une discipline neutre, agit comme une arme politique au service des régimes de domination, en particulier dans le contexte du colonialisme de peuplement en Palestine. C'est aussi un article et une information que vous pouvez retrouver sur le site participatif collaboratif le numéro 0.info. Donc voilà pour cette conférence qui est reprogrammée, il faut aussi le préciser, suite à la censure du directeur de l'école d'art et design de Saint-Étienne. Donc reprogrammée enfin, et ce sera donc ce 9 janvier à l'école d'archi de Saint-Étienne. Et puis il y aura encore une soirée de solidarité avec Gaza, ce sera le 20 janvier prochain à 20h au Méliès à Saint-Étienne, et tout un week-end également Palestine, nos voix pour l'espoir, qui aura lieu le 1er février prochain et le 2 février prochain entre Méliès et la cale de l'Amicale Laïque du Cred Rock. On aura l'occasion d'en reparler avant une autre conférence encore attendue, ce sera le 13 février prochain, conférence sur la Palestine avec Stéphanie Lat Abdallah, qui travaille et documente depuis des années le conflit israélo-palestinien. Mais nous en parlerons prochainement avec ces associations locales invitées, que ce soit Association France-Palestine Solidarité, BDS ou encore Urgence Palestine, pour exemple, que nous avons invitées. Et voilà, date encore à convenir et confirmer. Revenons à l'actualité diophonique. Au-delà de la Charbonnerie Production et Charbonne Air, vous annoncez quelques nouvelles émissions en ce début d'année 2025 sur le 895 de Dio, et donc des programmes qui rejoignent notre grille à partir de ce mois de janvier. Et c'est le cas aujourd'hui, ce lundi 6 janvier à 20h30 ce soir. C'est la première émission de Sociophonie. C'est une émission qui a pour intention de vous parler ou transmettre aussi une forme de sociologie douce, voilà, sciences humaines et sociales en tout cas à l'honneur, dans cette première mensuelle du lundi soir, premier de chaque mois désormais, à partir de ce jour, ce soir, de ce mois, voilà, le premier lundi de chaque mois, 20h30, rendez-vous avec Sociophonie et Agathe Rocher, qui d'ailleurs présentera et co-animera cette émission, à retrouver donc chaque lundi soir. Cela me permet simplement de faire une petite parenthèse, puisque c'est un projet qu'Agathe Rocher justement suit de près, puisque elle est doctorante au centre Max Weber de l'Université Jean-Marie de Saint-Étienne et travaille actuellement à la réalisation d'un ouvrage. Donc toute une équipe scientifique de sociologie notamment travaille à un récit au féminin du château de Goutla. En effet, le rôle des femmes dans l'histoire du château de Goutla, qui est basé dans la plaine du Forêt, sur la commune de Marcoux plus précisément, est assez méconnu. Des témoignages ont été recueillis et collectés pour révéler aussi ce pan de l'histoire, et donc de la reconstruction à la naissance du centre culturel de rencontre du château de Goutla. Et c'est une collecte qui a débuté il y a déjà quelques semaines et qui se poursuit jusqu'au dimanche 26 janvier prochain. Voilà, c'est un appel à dons qui est lancé là pour soutenir cette action du château de Goutla, donc, et réaliser cet ouvrage au travers donc de ces femmes. Elles sont multiples et plusieurs à travailler à ce projet Femmes de Goutla. Voilà, et donc un appel à dons est lancé. Vous pouvez contacter le château de Goutla via tout simplement peut-être son site internet dédié, château de Goutla, tout attaché attaché en minuscule.fr, châteaudegouttelas.fr pour ces infos éventuelles sur cet appel à don et ce projet d'ouvrage donc autour de cette histoire. Le Château de Gouttelas qui va proposer en début d'année de multiples à nouveau animations, programmations. Et pour exemple, pourquoi pas l'aborder au travers de cette visite, si les pierres pouvaient parler. C'est une visite guidée organisée qui aura lieu le dimanche 23 février prochain à 15h et qui va précisément revenir sur cette histoire-là des années 60, comment collectivement des hommes et des femmes se sont mobilisés pour reconstruire et redonner vie au château en péril. Une visite guidée assurée par Marie-Noël Moulin, justement, membre de l'association, qui va vous plonger dans l'histoire incroyable d'ailleurs du château de Gouttelas, donc dans sa véritable dimension et aventure humaine. Voilà pour le château de Gouttelas et la petite parenthèse que je souhaitais faire, Femme de Gouttelas, avec Agathe Rocher, à retrouver aussi sur les ondes, donc via Sociophonie, ce nouveau programme de ce lundi soir, je le disais, le premier de chaque mois, une première émission qui abordera la question de l'amour ou des relations amoureuses, d'ailleurs, pour ce premier numéro de ce soir à 20h30. Vous savez, c'est une alternance de programmes chaque lundi soir. Premier du mois, Sociophonie désormais. Deuxième du mois avec Pédale Scandale, troisième du mois Des Litres de Salivre et quatrième du mois avec Rock and Radio. Ça, c'est pour le lundi soir. Et puisque je vous parlais aussi d'aventures radiophoniques, eh bien voilà une autre aventure qui s'ouvre pour ce projet-là, à une nouvelle émission de radio. Alors celle-ci non pas mensuelle, mais trimestrielle, plus ou moins. En tout cas, c'est une émission qui va se tenir à chaque changement de saison, tout simplement, sur le 895 de Dio. Alors, nous avons passé la saison d'hiver il y a peu. Voilà, petit décalage pour cette première, mais néanmoins, pour cette saison d'hiver et cet épisode 1 qui va se tenir le dimanche 12 janvier prochain. C'est une émission collective. Qui va proposer cette émission Saison d'Enfer qui se tiendra donc un dimanche par mois à chaque changement de saison et ce sera le cas ce 12 janvier prochain de 13h à 17h. Alors, Saison d'Enfer, titre de cette émission et de ce programme qui a pour thématique pour cette première Amour à mort. Alors on reste dans la question de l'amour et de la relation amoureuse avec la question posée pour cette émission qui entend être interactive. Quel rituel pour faire le deuil d'une relation amoureuse? C'est la question qui est posée et à laquelle vous pouvez tenter de répondre avec un message que vous pouvez laisser au collectif de cette émission au 06 95 90 63 60. 06 95 90 63 60. Quel rituel pour faire le deuil d'une relation amoureuse qui fera l'objet de cette émission Amour à mort, de ce programme Saison d'Enfer, épisode 1, qui aura lieu donc dimanche prochain, 12 janvier, de 13h à 17h, sur Radio Dio. On est toujours avec Cyclone pour cet événement de ce samedi salle Le Fil et pour nous accompagner sur la fin de cette émission qui en effet arrive à son terme ou presque, une ou deux infos encore à vous communiquer et on va s'arrêter là sur le programme du cinéma Méliès, partenaire Dio à nouveau et toujours pour cette saison 24-25 et donc pour cette année 2025 avec encore de belles propositions faites en ce début d'année. Notamment une soirée pochette surprise. C'est ce mardi 7 janvier à 19h au Méliès, Saint-François. Les soirées pochette surprise, c'est un moment privilégié avec toute l'équipe du cinéma qui présente la programmation du mois, un petit apéritif offert par différents partenaires également de la, ou des salles ARSC, pour aussi en dégustation, restauration et un film surprise en avant-première. Donc cette soirée pochette surprise aura lieu ce mardi 7 janvier à 19h, mais surtout le cinéma Méliès, bien une belle proposition en termes d'agenda en ce début d'année. Puisqu'au-delà de cette soirée pochette surprise, il y a la séance Cup of Tea autour du film Bird, par exemple, ce 9 janvier, après-midi à 13h30. Et puis, pour exemple, encore cette semaine, une soirée ciné-débat, ce 9 janvier toujours, Méliès Saint-François cette fois, à partir de 20h. La projection du documentaire « Personne n'y comprend rien », avec une rencontre auprès du journaliste cofondateur de Mediapart, Edoui Plenel. Voilà, ça c'est ce 9 janvier, alors n'hésitez pas, alors que précisément c'est aujourd'hui, ce lundi, que s'ouvre à Paris le procès de l'ancien président de la République. Il s'agit bien sûr de Nicolas Sarkozy, soupçonné d'avoir financé sa campagne de 2007 avec l'argent de Muammar Kadhafi. Et donc, bien voilà, un procès qui s'ouvre aujourd'hui. On rappelle qu'il est jugé pour 4 infractions. Corruption passive, financement illégal de campagne électorale, recel de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs encourant 10 ans de prison. Et Edoui Plenel sera présent à Saint-Étienne pour évoquer précisément cette affaire du présumé financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007 au travers de ce film documentaire de Yannick Kergoat. Personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien, c'est titré, en tout cas repris, une référence à une phrase précisément de l'ancien président de la République, qui, pour reprendre le synopsis qu'il l'explique, une démocratie et une dictature, une campagne présidentielle et de l'argent noir, une guerre et des morts, personne n'y comprend rien, avait rassuré Nicolas Sarkozy au sujet de ses liens avec le colonel Kadhafi. En tout cas voilà, un film documentaire qui vous permettra peut-être de tout comprendre sur ce scandale et qui est annoncé comme l'un des plus retentissants de la 5ème République. Donc Yannick Kergoat, coécrit pour ce film avec les journalistes de Mediapart, Fabrice Arfi et Michael Agendenberg et Karl Laske, me semble-t-il. Et c'est ce jeudi 9 janvier à 20h au Méliès Saint-François de Saint-Étienne en présence d'Edoui Plenel, donc cofondateur de Mediapart, qui était déjà venu à Saint-Étienne il y a 2 ans de cela, enfin c'était en octobre, automne 2022, pour une autre affaire plus locale, celle de l'affaire de la sextape à Saint-Étienne. Notamment autour d'une soirée qui avait pour thématique journalisme et démocratie locale, si vous aviez participé à cet événement. Voilà, je rappelle que les deux journalistes qui ont finalement coécrit aussi ce documentaire qui sera projeté jeudi, journaliste enquêteur de Mediapart, Fabrice Arfi et Karl Laske, sont tous deux co-auteurs également d'un livre consacré à cette affaire, justement aussi, avec les compléments du guide qui est paru aux éditions Fayard en 2017. En tout cas, voilà pour ce rendez-vous. Donc, rencontre projection de ce jeudi au Méliès Saint-François. Et puis un agenda encore chargé. Vraiment, janvier débute sur les chapeaux de roue du côté du Méliès. N'hésitez pas à les consulter. Soit la Gazette, bien sûr, soit le site internet dédié pour tout savoir. Et précisément, nous allons terminer avec une dernière proposition Méliès en projection et exposition. Je vous recommande chaudement le dernier film de Raoul Peck. Ernest Cole, photographe. On retrouve avec grand plaisir ce réalisateur, dont je vous recommande encore aussi dans sa filmographie les très bons autres documentaires I'm Not Your Negro, Le Jeune Karl Marx et j'en passe. Et là, qui dresse un portrait du photographe Ernest Cole, premier photographe noir freelance d'Afrique du Sud, qui témoigne de l'intérieur de l'apartheid à travers ses photographies et puis aussi quelques apparitions, donc rares. Un très bon documentaire actuellement à l'affiche. C'est jusqu'au 20 janvier, me semble-t-il, au cinéma Méliès. Et cette projection fait l'objet également d'une exposition, puisque c'est à l'occasion de cette sortie que le Méliès propose de découvrir ce photographe, alors sud-africain et aussi ensuite qui a dû s'exiler et partir aux États-Unis et qui a constaté aussi tout le racisme présent en Amérique du Nord. et qui a été longtemps oublié. Hein, c'est Raoul Peck retrace aussi justement cette aventure assez incroyable, puisque ce sont ensuite des pellicules qui ont été retrouvées, mais je ne vous révèle rien, allez voir ce documentaire, et qu'il a pu exploiter pour en rendre compte au travers de ce documentaire. En tout cas, justement, des photographies, et c'est une sélection de 20 photographies magnum qui sont visibles dans le hall du Méliès Saint-François. C'est entrée libre pour l'exposition, mais n'hésitez pas, voilà, avant ou après projection du film, d'aller aussi apprécier ces quelques clichés présents donc au Méliès Saint-François autour de ce film. Ernest Cole, photographe de Raoul Peck, et c'est précisément avec un extrait de la bande originale du film que je vais vous proposer de revenir, parce qu'il y a une musique originale assez incroyable, assez jazz, et des compositions qui laissent place à ces artistes-là, sud-africains essentiellement, mais pas seulement, de vibrants hommages, je dirais, musicaux à cette communauté meurtrie, africaine ou afro-américaine. Et on y entend notamment la voix de Myriam Makeba, chanteuse sud-africaine militante anti-apartheid, à travers diverses chansons et un extrait aussi d'un discours qu'elle avait donné aux Nations Unies. Et c'est précisément Myriam Makeba que je vous proposais de retrouver en guise de générique de fin. Milele, un titre de 1959 pour terminer. Voilà pour ce programme des mots des sons sensibles du jour, premier de cette année 2025. Laborieusement peut-être, mais voilà, on se retrouvera donc bien sûr très prochainement. Même lieu, même heure. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. Ciao, bye. Contact.